Pénétrez dans les coulisses de la recherche avec la revue Carnet de Sciences. Dans ce sixième numéro, entre phénomènes sociaux et avancées technologiques, un grand dossier sur l'union du sport et de la science. Plongez en eau profonde à la découverte des coquillages, sentinelles des océans. Hissez-vous au pic du Midi, la tête dans les étoiles pour observer notre système solaire. Explorez les mécanismes de la douleur et portez un autre regard sur l'histoire du continent africain. Reportages, photos, entretiens, points de vue à découvrir dans Carnet de Sciences, la revue du CNRS, tous les 6 mois dans les relais et librairies. La théorie du Big Bang est aujourd'hui à peu près uniformément acceptée, nous en avons une perception très largement biaisée. Déjà parce qu'il ne s'agit pas d'une théorie, mais de la superposition de plusieurs couches théoriques bien distinctes qui se sont empilées au fil des ans entre modélisation d'une part et confirmations observationnelles d'autre part. Mais surtout, et peut-être même avant tout, parce que nous avons tendance à voir le Big Bang comme l'origine, le début de tout, alors qu'il faudrait certainement plus prendre le problème en sens inverse et partir d'un point zéro qui serait ici et maintenant. Big Bang, avancé aux sources, c'est le programme originel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces théories du Big Bang, de la façon dont elles se sont construites, empilées, de la complémentarité entre modèles et observations, nous avons eu du mal à les réunir le même jour dans le même studio de radio. Mais impossible n'est pas France Culture, nous avons donc l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui deux voix que vous connaissez bien si vous nous écoutez depuis longtemps. Françoise Combes, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, professeure au Collège de France, titulaire de la chère Galaxie et Cosmologie, autrice d'un récent Que sais-je sur le Big Bang, et Jean-Philippe Usan, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous, merci d'être ici, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, auteur de Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant, c'est chez Flammarion. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude en parallèle via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, je le disais à l'instant, l'histoire du Big Bang, c'est un aller-retour permanent entre théoriciens, modélisateurs et observateurs. C'est en fait une sorte, non pas de théorie unifiée, mais de millefeuille astrophysique, Françoise Combes. Oui, en fait, on peut le faire remonter au début du XXe siècle, enfin, il y a moins de 100 ans. On a observé, on connaissait même pas les galaxies, en 1920, c'est quand même formidable. Et donc, on commençait à découvrir les galaxies, et puis on s'apercevait, c'est tout ce qu'il fait en général, que les galaxies s'éloignent de nous à une grande vitesse. Il y avait un effet Doppler par les raies émises par ces galaxies, et c'était plusieurs milliers de kilomètres par seconde quand même à s'éloigner. D'où c'était vraiment le premier indice qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que c'était pas un univers statique et éternel, mais quelque chose qui bougeait. Tel que l'envisageait Einstein d'ailleurs. Einstein en 1915 avait dit, il avait l'étude générale, et donc la courbure de l'univers est déterminée par sa masse et tout ce qui est à l'intérieur. Mais en fait, Einstein n'était pas très visionnaire non plus, parce qu'il pensait que l'univers était statique, il avait ajouté une constante cosmologique. Dont il pensait d'ailleurs, la légende dit, parce qu'il y a aussi beaucoup de légendes autour du Big Bang, la légende dit qu'il estime que c'était la plus grossière erreur de sa carrière, la constante cosmologique. Exactement, il a pensé que c'était cela, et donc finalement, il avait tort, puisque l'expansion de l'univers, c'est vraiment a été une évidence pour tout le monde. Alors on remet maintenant à Hubble en 1929 en disant qu'il avait découvert cette loi que la vitesse était proportionnelle à la distance, mais en fait c'était plutôt l'abbé Lemaître. Et depuis 2018, l'IAU a remis au bout du jour Lemaître, c'est la loi de Hubble-Lemaître maintenant. On va d'ailleurs reparler de cet abbé Lemaître qui est peut-être l'un des premiers, le point de départ théorique pour le coup de cette histoire du Big Bang. J'aimerais vous entendre Jean-Philippe Usan parce que effectivement c'est le titre de votre livre qui est chez Flammarion, Comprendre l'univers depuis ici et maintenant. Quand on pense le Big Bang, on pense le point zéro de l'histoire de l'univers. On se dit c'est le début, le commencement de tout. Or, le Big Bang, déjà, rien ne nous dit que c'est un commencement, que c'est un début. C'est peut-être autre chose, c'est une singularité. Peut-être qu'il faut trouver un autre vocabulaire pour le décrire. Et puis vous dites dans votre livre, et c'est assez intéressant, que le point de départ, en fait, pour comprendre le Big Bang, pour l'intégrer, le modéliser, c'est pas du tout là-bas, c'est ici et maintenant. Alors tout à l'heure, parce que ça c'est une certitude, nous sommes ici et maintenant, on connaît un certain nombre de choses, voilà, je suis constitué de carbone, d'oxygène, je fais des observations, je vois des planètes, je vois des étoiles, dans les années 20 je prouve qu'il existe d'autres galaxies, et ça il faut que je l'incorpore dans une description du monde qui fasse sens avec les lois de la nature. Donc j'ai quelque part des observations du monde, et je sais qu'il y a des lois de la nature. Et à partir de ça, plutôt que de dire théorie du Big Bang, je dirais qu'il faut faire un modèle. Je pense que le concept central en science, c'est le concept de modèle. C'est un édifice théorique avec peut-être des équations, avec des concepts qui nous disent le temps est décrit par telle structure mathématique, l'espace est décrit par telle structure mathématique. Donc, il assigne quelque part une sorte de structure mathématique à tous les objets que vous pensez exister. Donc, quelque part, vous faites un pari sur la nature. Quand Newton dit l'espace, c'est ça, il n'a aucune preuve. Il choisit le plus simple, il a un certain nombre d'arguments, il a une intuition, il mathématise le monde et il le dit très très clairement. Il ne faut pas confondre l'espace et le lieu. Et donc en science, on fait toujours la distinction entre ce qui serait la réalité. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que c'est que la réalité. Il faudrait demander à nos collègues philosophes de le définir. Nous, on questionne le monde, mais questionner le monde demande déjà d'avoir une idée a priori sur ce qu'on questionne. Faire des mesures sans avoir aucune théorie derrière, eh bien, on ne peut rien en dire. Si je vois une galaxie, et François, tu me corriges si je dis une bêtise. En général, je ne peux pas mesurer directement sa distance. Je vais déterminer sa distance à partir d'autres mesures physiques. Et donc, cette détermination de la distance dépend du modèle dans son ensemble. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est une cohérence entre le modèle théorique et un ensemble d'observations. Et dès qu'on a ce modèle théorique, on peut poser de nouvelles questions à la nature, imaginer de nouvelles observations, se dire cette construction repose sur des hypothèses, est-ce que je peux avoir des façons de tester ces hypothèses? Et surtout, elle va me dire quelque chose de très important, c'est quelle est la limite de ce modèle? On sait qu'en science, quand on fait un modèle, on est déjà dans le faux. On est dans l'approximation. On cherche à faire un modèle qui soit simple, mais pas simpliste, qui nous permette de finalement parler de la nature, poser des questions, mais on sait qu'il s'arrête de parler à un certain moment. Alors le Big Bang, c'est un petit peu ça. C'est d'abord, il apparaît dans les théories. On a une description de l'univers qui va découler de la relativité générale, d'un ensemble d'équations. On reconstruit la dynamique de l'univers, l'histoire de l'univers, et on a l'impression que dans les équations, l'espace et le temps disparaissent à un certain moment. Ça ne fait plus sens. Donc on peut appeler ça Big Bang, on peut penser que c'est l'origine, mais c'est surtout que la théorie physique qui décrit l'univers n'est plus apte à décrire l'univers. Et donc là, la question se pose de savoir comment est-ce que je l'étends. Cette singularité, est-ce qu'elle a une nature physique? Est-ce que je viens de faire une grande découverte? Ou est-ce que c'est parce que l'outil que j'utilise pour décrire ces instants de l'univers n'est plus approprié? Voilà. Donc ça, en science, il faut toujours faire attention. Et c'est vrai qu'on a tendance à enseigner, à apprendre les lois de la nature comme si c'était des vérités universelles. Peut-être parce qu'on parlait voilà de la théorie de la gravitation universelle comme des vérités, alors que l'on sait qu'il faut toujours aller avec le domaine de validité, et on sait que quand on va améliorer la précision de nos mesures, quand on va avoir de nouvelles mesures, eh bien on peut avoir à rechanger notre façon de décrire l'univers. Chez Newton, on parlait de force de gravitation. Chez Einstein, cette force est remplacée par quelque chose de radicalement différent, une géométrie de l'espace-temps, beaucoup plus abstraite. Mais il est vrai que ces deux concepts, quand on se ramène à la surface de la Terre, coïncident, ça donne les mêmes équations. Et donc, c'est pour ça que c'est important. C'est-à-dire que la théorie et le modèle scientifique va vous dire finalement comment penser ces objets que vous appelez espace, temps, matière, qui semblent être des choses évidentes dans le langage courant. Et ce qui est passionnant dans ce dialogue historique et scientifique entre les théoriciens, les modélisateurs d'un côté et les observateurs de l'autre, c'est que finalement, l'observation enrichit le modèle en cherchant en permanence finalement à en trouver les limites. François Scombe. Oui, justement, je rebondis un peu sur la distance quand même. Jean-Philippe me dit que la distance des galaxies, on ne la connaît pas. Mais si. Mais si, d'ailleurs, on a commencé par Henrietta Leavitt. Oui. Hein, qui a demandé les céphéides, quoi. Les céphéides, la période proportionnelle à la luminosité, donc intrinsèque, et donc on pouvait avoir les céphéides. Mais aujourd'hui, on a, par exemple, des trous noirs dans chaque galaxie, et on a des disques d'accrétion qui tournent, et on peut mesurer les mouvements propres grâce au maser qui tourne autour du trou noir, et on a la vitesse par effet Doppler. Donc on a une mesure géométrique de la distance. Donc elle est sûre, c'est pas un modèle, là, cette fois-ci. Donc les céphéides, là, il y a une relation. Les céphéides, on va rappeler en quelques mots ce que c'est, les céphéides. Alors les céphéides, ce sont des étoiles variables, dont Henrietta Leavitt avait vu des milliers et des milliers. travaillé, donc elle a fait un travail énorme. Elle aurait dû avoir le prix Nobel d'ailleurs, je pense, mais enfin elle est morte avant. Mais et c'est une relation très fine entre la période de variation et puis l'intensité, la luminosité intrinsèque. Donc une fois qu'on a mesuré la période, ça c'est facile, on a la luminosité apparente et on a la distance. Mais c'est quand même quelque chose d'empirique. Donc là, je voudrais bien aller dans ton sens, qu'à ce moment-là, on pourrait dire que la relation empirique n'existe plus à partir d'une distance. Mais les mesures géométriques, là, elles sont inapprécables. Donc on sait où sont les galaxies. Et c'est ça qui a donné le progrès dans le Big Bang, parce que si on ne sait pas où il y a des galaxies, où est-ce qu'elles sont, on ne peut pas savoir qu'elles s'éloignent de nous proportionnellement à leur distance. Exactement. Et c'est les effets qui ont permis à Hubble de déterminer la loi d'expansion. Et ce qui me ramène à ma question précédente, qui est de dire qu'effectivement, tout au long de la construction, de cet empilement de théories et d'aller-retour entre la théorie et l'observation autour du Big Bang, l'observation n'a de cesse, mais c'est encore vrai d'ailleurs aujourd'hui, y compris d'ailleurs en physique des particules, d'aller chercher les limites des modèles, exactement, d'aller tester les modèles, quand on regarde bien, par exemple, dans l'archive tous les matins, il y a au moins une dizaine de modèles nouveaux qui sont plus fantasmagoriques les uns que les autres, quand même. Et donc, ce qui va donner une limite à tous ces modèles, c'est l'observation. Et on l'a vu dans le XXe siècle. En fait, il y avait, par exemple, la nucléosynthèse primordiale. On sait que on observe de l'hélium dans le Soleil, mais dans les autres étoiles. Et tout cet hélium, il vient essentiellement du Big Bang, en fait. Il faut qu'il y ait un état très très chaud de l'univers pour que les réactions nucléaires aient lieu et forment cet hélium. Alors évidemment, il se forme un petit peu d'hélium dans les étoiles aussi, mais c'est faible. Et donc, pour exprimer pourquoi il y a tant d'hélium dans les étoiles, il fallait un état chaud. Donc, il n'y avait pas de problème. Hein. On peut dire, on n'est pas d'accord avec le Big Bang, mais il faut un univers qui soit extrêmement chaud pour que les réactions nucléaires se produisent et fassent l'hélium. Jean-Philippe Puzan, ce qui est intéressant également dans votre postulat dans le livre, c'est que donc vous rappelez qu'effectivement le point de départ, le point zéro, il est ici et maintenant et pas là-bas il y a 13,8 milliards d'années. Mais vous rappelez aussi quelque chose qui est une évidence quand on est astrophysicien cosmologiste, c'est que ce point de départ d'observation, il nous limite intrinsèquement. On n'a pas accès à tout, on ne voit pas tout, on voit tout selon un angle. Il y a un univers observable, il y a des choses que de facto nous ne verrons jamais. C'est ça. Donc c'est aussi bon. Je fais ce petit jeu de mots. C'est venu d'une longue discussion avec mon ami George Ellis sur la cosmologie, avec un petit C et un grand C. C'est juste pour distinguer deux choses. C'est-à-dire que souvent, bien sûr, toute l'information qu'on a sur l'univers, c'est la lumière que l'on collecte. Alors aujourd'hui, il y a les ondes gravitationnelles. Mais on va dire, c'est pas quelque chose que je peux quantifier, mais je veux dire que 99% de notre connaissance de l'univers vient de la lumière. Il y a des météorites. Donc des photons. Des photons. On a d'autres petites choses, mais on peut les oublier. Ça change pas grand-chose dans l'argument, qui arrive que nous collectons avec nos télescopes ici sur Terre. C'est de la lumière qui converge sur nous. Ça nous permet d'avoir des représentations de notre univers jusqu'à un certain moment, juste toute la lumière que l'on peut collecter, sur ce qu'on appelle l'univers observable, la zone de l'univers que l'on peut étudier, que l'on peut questionner avec les observations. Et je vais dire, c'est une branche de l'astrophysique. Mmh. Et puis après, à partir de ça, on a essayé de faire des modèles qui parlent de l'univers dans son ensemble, c'est-à-dire depuis un autre point de vue. Est-ce que l'univers vu depuis une autre galaxie aux confins de l'univers observable est le même, est similaire au nôtre ? Comment est-ce qu'on peut le savoir ? Donc il faut toujours, dès qu'on va faire nos hypothèses, avoir une idée de la nature de ces hypothèses et de la façon dont elles nous limitent. La première, c'est que nous n'avons accès qu'à un seul univers, le nôtre. Nous avons des collègues qui postulent l'existence d'autres univers. Ils ont des arguments théoriques pour ça. On peut débattre, mais il n'y a pas de preuve observationnelle ou expérimentale de l'existence de ces autres univers. Et puis, on peut se dire, si on veut faire un petit nœud avec le cerveau dès le départ des 16h13, que si on observe un autre univers, a priori, ça veut dire qu'il fait partie du nôtre, puisqu'on peut l'observer. Donc voilà, après, il y a une question de... C'est pour ça que les gens ont forgé ce mot de multivers, univers multiple. Et on ne va pas rentrer là-dedans, parce qu'on va s'engluer pour des choses qui sont assez inutiles. Mais nous avons accès qu'à un autre univers. Et donc déjà, par rapport à un physicien, à l'attitude en science en général, ce que vous faites, c'est que vous avez la reproductibilité de l'expérience. Vous voulez changer les conditions expérimentales, comparer un objet à des objets qui sont similaires, proches, pour voir ce qui est universel et ce qui est singulier. Donc là, vous n'avez accès qu'à un seul objet. Vous êtes dans l'univers, vous n'êtes pas en dehors de l'univers. C'est-à-dire que vous êtes comme un chimiste qui fait son expérience, mais vous êtes dans le bocal. Dans la boîte de Pétri. Voilà, vous êtes dans le bocal, vous voyez les molécules s'agitent et vous essayez de faire sens de ce que vous voyez depuis l'intérieur. Vous ne pouvez pas sortir pour voir la courbure de l'espace-temps, pour voir la topologie de l'univers. Donc vous devez, depuis ces observations et depuis l'intérieur, essayer de reconstruire cette structure de l'univers. Et vous êtes ici maintenant. On n'observe pas l'univers quand il avait 1 million d'années, 1 milliard d'années. On l'observe quand il a 13,8 milliards d'années. Je ne suis pas tout à fait d'accord là. Puisque finalement, lorsqu'on regarde le décalage vers le rouge, on observe les galaxies telles qu'elles étaient lorsqu'elles étaient dans leur adolescence, dans leur jeunesse, etc. Lorsqu'on remonte le temps, en fait, on regarde très très très très loin. On est obligé de remonter le temps. Donc on voit l'univers tel qu'il était 400 000 ans après le Big Bang, 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc on peut faire toute l'histoire. Donc on n'a pas que l'univers à Z égale 0 aujourd'hui. Ah oui, oui, non, mais on est tout à fait d'accord. Ce que je dis, c'est que c'est cet univers à différents décalages, mais vu depuis ici. C'est-à-dire que, et ça, dans certains modèles cosmologiques, où tu vas pas avoir des univers qui sont pas strictement homogènes, ça, tu peux changer en fait l'histoire depuis chacun des points de l'univers. Mais là, c'est un petit peu limité, parce que tout de même, on voit 300, 400 milliards de galaxies. Bon, on va pas dire que notre galaxie est très particulière par rapport à elle. Et puis, on a le principe de Copernic. Quand même, on va pas se retrouver au centre de l'univers à nouveau. Parce qu'on a, dans le passé, on a eu ces erreurs-là. Hein, la Terre était au centre du système solaire, etc. Et même le Soleil était au centre de la galaxie. Et puis, d'un coup, on a vu qu'on n'était pas dans une position particulière. Donc, je vois pas pourquoi, notre galaxie serait particulière. On a accès à 300 milliards de galaxies. Oui. Et on peut faire de la statistique. Donc, je mettrai un petit bémol. Mais depuis un seul point de vue. Il y a un problème de subjectivité de l'observation et même finalement de la compréhension, pas seulement l'observation, parce que les modèles sont construits sur une base subjective à partir de ces points d'observation. Et je crois juste pour les auditeurs, pour voir qu'on est d'accord, on est d'accord, c'est que je suis d'accord avec toi sur le principe copernicien. A priori, c'est ce qu'on a envie de postuler, c'est ce que nous postulons. La question, c'est finalement, si je prends un autre point de vue, à quel point est-ce que cet autre univers est similaire au mien? Est-ce que c'est dans certaines barres d'erreur qui sont admissibles par rapport à certaines fluctuations? Est-ce qu'il y a des grandes fluctuations? Et c'est ça la grande question, c'est de savoir ces principes que l'on dit, qui nous semblent naturels, comme tu le dis, on n'a pas envie de se mettre au centre de l'univers parce qu'on l'a déjà fait et qu'à chaque fois ça nous est retombé sur le nez, donc on n'a pas envie de recommencer. Est-ce qu'on peut quantifier ça? Et alors Jean-Philippe Puzan, pour conclure cette petite partie introductive et juste pour venir titiller justement votre point de vue, vous dites aujourd'hui 99% de l'observation ce sont les photons. Oui, certes, mais aujourd'hui les moyens techniques deviennent de plus en plus précis. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles, on en redétecte en ce moment depuis qu'on a rallumé LIGO et Virgo. On cherche, alors ça va peut-être coûter un peu d'argent, ça va peut-être pas venir tout de suite, mais on cherche à détecter des ondes gravitationnelles primordiales qui seraient celles produites par le Big Bang, donc il n'est pas totalement exclu, même des neutrinos de grande énergie, il n'est pas totalement exclu qu'on puisse obtenir des traces, même de d'autres points de vue, qui soient les traces objectivées ou le plus objectivable possible de ce modèle théorique qu'est le Big Bang. Ah oui, bien sûr. Donc c'est ça aussi que fait un modèle. Dans le modèle standard, si je suppose l'inflation, je sais que je vais avoir un fond stochastique d'ondes gravitationnelles que je peux caractériser dans les différents scénarios d'inflation et donc qui va être c'est une prédiction. Donc un modèle, à partir du moment où vous l'avez formulé, il vient avec des nouvelles prédictions. Nous savons, on parlait du fond diffus cosmologique, il existe un fond diffus de neutrinos. Aujourd'hui, on ne sait pas le détecter. Si on est capable de le détecter, on va voir si notre prédiction est en accord avec notre modèle. Donc le modèle vous permet de poser de nouvelles questions et, par rapport à l'observation, de faire de la prospective, c'est-à-dire voilà ce qu'il faudrait mesurer en plus pour exclure telle possibilité ou pour prouver telle affirmation. Et là, après, bien sûr, on discute avec nos collègues, est-ce qu'on est capable de mesurer cette chose-là ou pas? Et il y a un moment, on ne sait pas, il y a des avancées technologiques, et se dit « ah, mais maintenant, on peut mesurer ça ». Et on a un cas scientifique. On a presque, on a failli, hein, parce qu'en fait, c'est pas seulement le modèle du Big Bang qui, lui, est confirmé, c'est le modèle de l'inflation. Ce qui résout certains problèmes du bien, on va peut-être on ne va pas griller les étapes. Vous voyez, on s'est battu pour les avoir tous les deux en studio en même temps, mais c'était pour une bonne raison, parce que il est déjà 16h18, vous allez voir, ça va passer très vite. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, vous voyez, on ne peut pas les empêcher de parler, même pendant les petites virgules musicales. Nous recevons Jean-Philippe Puzan et Françoise Combes, qui publient tous deux un livre autour du Big Bang. Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant chez Flammarion, et un Que sais-je de Françoise Combes sur le Big Bang. Alors, peut-être peut-on revenir un peu, alors pour le coup, sortir de rester dans le ici, mais remonter un peu le maintenant, vraiment rien, des picots secondes, et encore même moins que ça par rapport à l'âge de l'univers, mais revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Françoise Combes, c'est-à-dire historiquement, comment comprendre comment ce modèle s'est construit Vous parliez de l'abbé Georges Lemaître, de Wilhelm de Sitter, qui sont les premiers à avoir postulé, à partir des équations d'Einstein, qu'il y avait un endroit qui n'était pas le début de l'univers, mais qui était, comme le disait Jean-Philippe Usant tout à l'heure, une singularité physique, mathématique, c'est-à-dire un endroit où temps et espace ne font plus vraiment sens, en tout cas. Oui, je pense que c'est l'abbé Lemaître qui a le premier eu cette vision, en fait, puisqu'il a essayé de remonter le temps. Ce qu'on fait aujourd'hui, à partir de l'instant zéro, c'est-à-dire aujourd'hui, il s'est dit, bon, mais puisque toutes les galaxies s'en vont autour de nous, si je remonte en arrière, eh ben, elles se rapprochent, elles vont toutes se retrouver en un point. Donc c'est lui qui a fait ce pas-là, parce que finalement, Hubble, il a juste fait une loi de la vitesse des galaxies en fonction, mais il n'a pas parlé d'expansion dans son papier. Donc l'expansion, et c'est pour ça qu'on parle de loi de Hubble-Lemaître, parce que c'est Lemaître qui a vraiment pensé à une expansion. Il n'a pas encore parlé de Big Bang, parce que le Big Bang, ça a été plus tard, en 1945, Fred Hoyle, qui voulait se moquer voilà, de ce modèle. C'était une caricature. Il n'aimait pas du tout ce modèle, il voudrait un modèle stationnaire, etc. Donc il avait postulé ce Big Bang, et finalement tout le monde l'a adopté. Mais lui, il pensait d'un univers très très chaud. Il avait même remonté le temps, voire avec la constante de Hubble qu'on connaît assez à l'époque, qui était très mauvaise, puisqu'elle était 10 fois plus trop grande. Mais enfin, il avait quand même dit l'âge de l'univers. On peut, puisqu'on peut remonter le temps. Donc c'est ça qui était le premier départ de ce modèle du Big Bang. Jean-Philippe Puzan, sur cette première modélisation à partir finalement qui en fait part d'un strict modèle physique, celui d'Einstein, mais voilà, qui est immédiatement en fait corroboré ou développé grâce à l'observation. Donc Françoise nous l'a dit, donc il y a eu cette théorie de la relativité générale 1915. Alors Einstein essaye de se dire, bah finalement j'ai une théorie qui dit quel est l'espace, la nature de l'espace et du temps. Il va essayer de faire le premier modèle cosmologique en 1917. Et alors tu disais il est pas très visionnaire, mais en fait je pense que souvent, il faut aussi remettre les choses en contexte, c'est-à-dire qu'à son époque, comme tu le disais, justement, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies, on avait des mesures un peu de la vitesse des étoiles dans notre galaxie. Quand même, Vestosifère montrait que les galaxies s'éloignaient de nous, là, c'était à cette époque-là, oui, oui, et oui. Lemaître l'a accroché tout de suite. Après, c'est vrai, Lemaître l'a fait, et c'est vrai qu'Einstein, je pense qu'il n'avait pas, connaissance de ça. Et puis surtout, il faut se rendre compte qu'en science, on ne change les concepts que si on est forcé de le faire. Et l'espace de Newton, il était immuable. Donc quand il doit faire des hypothèses parce qu'il peut pas résoudre ses équations dans leur pleine généralité. Il doit faire ce qu'on appelle un modèle, simplifier les choses. Qu'est-ce que vous allez supposer? Est-ce que vous allez supposer que l'espace se dilate alors que vous avez aucune évidence pour ça? Non, vous dites, ça marchait chez Newton, je vais essayer de généraliser. Il doit faire d'autres hypothèses plus techniques que l'espace est fini, sur comment est-ce que distribuer la matière. Donc, il simplifie les choses. Et c'est vrai que là, il se rend compte qu'il peut pas trouver de solution sans la constante cosmologie. Et c'est qu'après, Friedman et Lemaître qui ont trouvé que de façon générique, l'espace devait se dilater. Mais ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que il a fait ce qu'on aurait dû faire. En général, on fait toujours le plus simple, étant donné ce que l'on connaît. On ne cherche pas à être révolutionnaire. Le rasoir de Cam, en quelque sorte. De Sitter, en fait. C'est de Sitter. A dit, bon, finalement, je fais un modèle où il n'y a pas de matière. La matière est négligeable, après tout. Et donc, ce qui n'est pas absurde, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est exactement le modèle de Sitter dans lequel nous sommes aujourd'hui. Puisque l'énergie noire domine et que la matière va tout d'un coup devenir de plus en plus négligeable. On va devenir dans un modèle de Sitter. On peut rappeler que la matière qu'on appelle la matière baryonique aujourd'hui représente 4% seulement, 3 à 4%. Après, il y a la matière noire à 25%. Voilà. Donc, mettons 30% en gros, et puis 70%, c'est l'énergie noire. Donc, c'est cette constante cosmologique que De Sitter avait dit, bon, on va prendre 100%. Et donc, on a un modèle qui croit de façon régulière, exponentielle. Ce qui est intéressant, Françoise Combes, c'est que dans ses projections de ce modèle de Lemaître, Lemaître dit très tôt, très vite, qu'il propose en tout cas que le rayonnement cosmique puisse porter les traces de cette explosion initiale très chaude. C'est très visionnaire aussi, parce qu'en fait, donc, au début, il n'y a que des photons. La matière n'est pas encore née. Enfin, elle est en équilibre avec les photons, matière, antimatière, qui se créent et se détruisent régulièrement. Donc on n'a que des photons, et les photons sont extrêmement chauds. Et puis on voit bien que si l'univers est en expansion, il va se refroidir, comme tout volume qui s'escroît. Et donc, la température va diminuer, et qu'on va pouvoir avoir, peut-être aujourd'hui, alors des photons, alors on sait aujourd'hui qu'ils sont dans le domaine d'ondes millimétriques, micro-ondes, les ondes qu'il y a dans votre four micro-ondes, exactement. Et donc, mais ça, on pouvait pas le savoir. Même Gamow l'avait prédit autour de 45 degrés. parce qu'on ne pouvait pas savoir exactement à partir de quand on pouvait le refroidir. Alors Gamow, on est un peu plus tard, peut-être, on va peut-être pas aller trop vite encore, mais enfin, l'article de Gamow, c'est 48. Oui, voilà. Vous pouvez nous dire qui était Gamow et en fait, qu'est-ce qu'il postule. C'était un physicien russe et qui était très spectaculaire aussi, très particulier, qui aimait beaucoup rire, beaucoup d'humour. Puisqu'il avait fait un modèle sur la nucléosynthèse. Il s'intéressait beaucoup à la nucléosynthèse. Il avait fait un modèle avec Alpher, qui était son étudiant. Et dans le même institut, il y avait M. Hans Bethe qui travaillait dessus. Donc il l'avait mis dans le modèle pour faire alpha, bêta, gamma. Il avait fait sortir son papier le 1er avril. Donc ça montre un peu le personnage très humoristique, qui aimait bien rire, bien vivre, bon vivant. Et c'est pour ça qu'on ne le prenait pas au sérieux, mais il était très très fort en fait en nucléosynthèse. Et donc il avait compris que la nucléosynthèse dans les étoiles, c'était assez limité, et qu'on avait sans doute besoin de ce Big Bang très très chaud. Et donc, c'est l'origine de la nucléosynthèse primordiale. Alors, justement, quelle est l'intuition de Gamow qui l'amène à penser que cette nucléosynthèse primordiale, que ces premiers éléments, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, ne viennent pas de la nucléosynthèse des étoiles que, en 48, on a déjà défini relativement bien. Je parle sous votre contrôle, François. Oui, oui, on savait un petit peu comment se formait l'hélium, Fred Hoyle, d'ailleurs, à cette date-là, 48, avait toutes les éléments qui est. Mais c'est vrai que le deutérium se détruit dans les étoiles, plus former le reste. Donc le deutérium, c'est impossible. Alors l'hélium, un petit peu dans les étoiles, mais la grande 25% en masse d'hélium, ça ne se peut qu'être dans le Big Bang. Donc tout ça, on réalise, et Gamow en tire un petit peu toute la substance en disant il doit y avoir la synthèse des éléments primordiaux dans le premier quart d'heure de l'univers. Jean-Philippe Buzan. Sur cette nucléosynthèse, sur Gamow, et c'est ce postulat qui est de dire que en fait là on arrive en 48, on est 30 ans après le maître, et qu'on commence, le modèle en tout cas commence à prendre forme, c'est-à-dire que on commence à avoir différents éléments de différents points de vue, de différents types d'observations qui nous conduisent à penser qu'effectivement il y a un début de l'univers où tout est très condensé, très chaud, mais bon, voilà, donc je pense que les premiers traits, les premiers schémas. Ouais, moi je le vois souvent comme un choc de culture, c'est-à-dire les premières personnes, ce sont des gens qui sont plutôt des mathématiciens. Ils font de la relativité générale, ce sont des géomètres. Ils résolvent des équations. La matière, en fait, est décrite d'une façon hyper simpliste. On dit c'est un gaz sans pression ou un gaz de radiation. On se pose pas la nature de la matière. Et puis les années 30-40, eh bien oui, il y a eu la mécanique quantique, la naissance de la physique nucléaire, la bombe atomique. Donc tous ces gens qui vont s'intéresser à l'atome. Et ce que ces gens comprennent, c'est que les atomes sont constitués de neutrons et de protons, et que si vous admettez des atomes dans un rayonnement très très énergétique, ils vont être cassés. Donc, comme vous connaissez la loi d'expansion de l'univers, vous remontez dans le passé, votre rayonnement, vos photons sont de plus en plus énergétiques. Donc, il y a un moment où vous ne pouvez pas avoir d'atomes. C'est pas possible. Vous pouvez avoir qu'un gaz de protons et de neutrons. À l'époque, on pensait encore que c'était des particules fondamentales. On ne savait pas qu'elles avaient des structures. Mais donc, à ce moment-là, on doit commencer avec un gaz de protons, de neutrons, des électrons, de la radiation, et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand ce truc-là se refroidit. Alors on sait qu'on peut avoir des réactions nucléaires qui peuvent être efficaces, mais au début vous allez former les noyaux les plus légers, donc en particulier le deutérium, mais dès que vous allez le former, il va être cassé par le rayonnement. Et donc il faut attendre que l'univers refroidisse suffisamment, mais il se passe autre chose, c'est que la matière se dilue, donc les réactions nucléaires ont tendance à diminuer. Donc la question... Le deutérium, je précise juste, le deutérium qui est un isotope de l'hydrogène. Oui, tout à fait. Rappelons-le. Voilà, un proton, un neutron. Un proton, un neutron. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que l'univers se refroidit trop avant de former du deutérium? Est-ce que vous allez former du deutérium, puis encore de l'hélium, et peut-être même du carbone, de l'azote, si vous avez du temps? Ou est-ce qu'il y a juste une petite fenêtre? Et est-ce que vous pouvez prédire la quantité des éléments légers que vous allez former? Alors bien sûr, il y a les problèmes de savoir pour le deutérium qui est détruit dans les étoiles, mais même si on oublie complètement ça, on se dit, si je suis capable de faire ce calcul-là, je vais quand même avoir une empreinte éventuellement observable de ce qui se passe dans l'univers entre quelques secondes et une quinzaine de minutes après le Big Bang. Donc vous avez une trace d'un mécanisme physique qui se passe dans ces conditions-là. Donc ensuite, allez le rechercher, faisons de la spectroscopie, allons essayer de mesurer ces abondances primordiales. Mais en fait, il y a un point essentiel aussi qu'on peut ajouter à ce panorama qui est tout à fait, c'est que on pensait et on pense toujours qu'il y a une symétrie matière-antimatière. Et donc là, le photon, il forme à la fois matière-antimatière lorsqu'il a assez d'énergie pour former les deux. Et puis peu à peu, lorsqu'il n'a pas assez d'énergie, la matière et l'antimatière s'annihilent et on ne devrait plus rien trouver aujourd'hui. plus que des photons, plus que des photons micro-ondes. Donc pourquoi nous sommes là? On est obligé de supposer qu'il y a un petit excès. Mais alors un excès d'un milliardième, 10⁻⁹, c'est-à-dire on compte le numéro des photons, on compte le numéro de photons. Donc ce petit excès, on ne connaît toujours pas vraiment la source. Non. Hein. Et donc on pouvait à l'époque, et moi j'ai commencé ma carrière là-dedans, un univers symétrique de matière-antimatière. Alors il y avait des galaxies de matière, des galaxies d'antimatière. Il y avait des poches comme voilà. ça, des groupes. Voilà. Il y avait la théorie d'Omnes et de Schatzmann. Et puis ça s'annihilait joyeusement au milieu. Mais ça, pareil, là pour le coup, on ne voit pas de traces observationnelles parce que s'il y avait des limites matière-antimatière, on pourrait les observer, on verrait les rayons gamma. Et puis la nucléosynthèse ne marchait pas du tout dans ce cas. Par ailleurs, et on va vous renvoyer à l'émission entière que nous avions consacrée à la symétrie CPT parce que comme ça, on va pouvoir la mettre de côté et gagner à peu près un bon quart d'heure sur cette émission. C'est bien. Non, j'aimerais qu'on avance un peu parce qu'on a déjà fait la moitié du chemin. J'aimerais qu'on avance un peu justement à cette intuition incroyable de Lemaître de se dire que on allait pouvoir trouver une trace, un rayonnement cosmique à un moment donné. Oui. Françoise Combes. Oui, en fait, il est vraiment visionnaire parce qu'il l'a su dans les années 1920 et ensuite ce n'est qu'après, dans les années 40, justement, Gamow et puis d'autres théoriciens à Princeton, lorsque justement les observateurs l'ont découvert de façon, comment on dit, sérendipiteuse en français, je ne sais pas la sérendipité. C'est-à-dire un peu par hasard. Par hasard, donc voilà. Penzias et Wilson, donc on ne peut pas les nommer, ils l'ont découvert par hasard, mais à la même époque. Il y avait Dicke, etc., qui à Princeton essayait et prévoyait qu'il y aurait un rayonnement micro-ondes vers le 40 degrés. En fait, il est à 3 degrés Kelvin, mais il les prévoyait un peu plus haut. Et ça suivait un petit peu ce qu'avait dit Lemaître. Hein. Donc, il y avait quand même cette vision. Oui. Je crois que pour Lemaître, c'est vrai qu'il était visionnaire et d'un autre côté, après lui, il est parti sur une voie complètement différente parce que sa théorie de l'atome primitif, en fait, il imaginait que, parce qu'on découvrait tous les phénomènes radioactifs et tout ça, que, en fait, au départ, il y avait comme un atome géant, en fait, qui se désintégrait. Et donc, c'était pas nécessairement un fond de photons, c'était peut-être des particules de haute énergie. Et en fait, lui, après, il a passé une partie de sa carrière scientifique à rechercher les rayons cosmiques, à étudier les rayons cosmiques, parce qu'il pensait que c'était ces rayons cosmiques en fait qui étaient la trace du Big Bang. Donc après, il a compris avec les travaux suivants que bien sûr, c'était des photons. Mais c'est intéressant de voir comment dans sa tête, il superposait la connaissance qu'on avait de la mécanique quantique dans les années 20, dans les années 30, puisque dans son texte de 1931, c'est là où il dit que finalement, cette origine de l'univers, on ne peut pas la penser avec la relativité générale. Il va falloir prendre en compte la mécanique quantique. Mmh. On ne connaît rien de gravitation quantique dans les années 30, personne n'est même capable d'en parler, de formuler les choses. Là pour ça, il était visionnaire. Voilà, il était visionnaire. Il savait qu'il fallait marier les deux. Il savait qu'il fallait marier on les deux. Et c'était un argument fort pour dire attention, c'est vraiment un problème de la validité de la gravitation dans ce régime-là. Et donc on ne peut rien dire. On sait qu'on va avoir à revoir notre copie. Et pour l'instant, on ne sait pas faire. Et puis à côté de ça, il y a les développements de la physique de la matière, les atomes qui se désintègrent. Et il imagine cette chose inouïe qu'on a fait un atome cosmique qui se désintègre et qui pourrait donner la matière présente dans l'univers. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir le côté créatif qu'on a en recherche, parce que, bien sûr, parfois, on résout les équations, c'est tout à fait rationnel, et parfois, il y a des intuitions, elles sont moins rationnelles, et après, elles sont visionnaires, mais parfois, elles sont fausses. Mais c'est ça aussi, de faire de la recherche, et de prendre ce risque-là. Mais ce sur quoi j'aimerais vous entendre, Jean-Philippe Puzan, ce qui est intéressant, c'est que donc, avec ce rayonnement fossile, hein, ce fond diffus cosmologique de Penzias et Wilson, qui leur vaudra d'ailleurs un prix Nobel en 78, on a là, d'un seul coup éclatant, une observation qui vient peut-être pour la première fois, confirmer ce modèle qui, il faut le rappeler, jusqu'aux années quoi, 50 est très minoritaire chez les physiciens, le modèle Big Bang. Oui, ouais, peut-être 40, pas minoritaire. Parce qu'il y avait Fred Hoyle avec Burbage qui était minoritaire. Ouais, oui, c'est plutôt 40 plutôt. Il se généralise dans les années 50, c'est ça? Oui. Et là, je pense qu'en dans les années 50, tout le monde y croit, sauf quelques Uluberlus. Et d'ailleurs, c'était intéressant d'avoir cette contradiction parce que ça permis en fait d'affiner les arguments et les preuves de l'expansion de l'univers. Donc ça aussi, hein, avoir des contradicteurs de haut niveau, c'est quelque chose de très très important en science. Souvent, des fois, on a des collègues, on n'est pas d'accord, mais on est heureux de ne pas être d'accord avec eux parce que on doit affiner nos arguments. Et là, ça a été un petit peu le cas. Donc sur ce rayonnement, eux, les Fred Hoyle avaient imaginé en fait qu'il y avait des petites moustaches qui rayonnaient dans le millimétrique, voilà, un petit peu ça. Partout. Donc vous arrivez avec un mécanisme que vous pouvez dire qui n'est pas naturel, certes, mais si vous arrivez arrivez à reproduire toutes les observations de façon cohérente dans votre modèle, il va falloir comparer deux modèles. Ça, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile en science. Vous avez deux modèles avec deux structures théoriques différentes. Si elles expliquent les mêmes observations, comment est-ce que vous tranchez sur quels critères? Et là, ce qui a été prouvé, c'est que ce rayonnement cosmique a été le fond diffus cosmologique n'est pas émis localement. Donc ça, c'est la première chose. Il y avait sa structure de corps noir. Donc pour un physicien qui nous dit l'univers émerge d'une phase qui est chaude, dense, à l'équilibre thermodynamique. Ça peut paraître du jargon pour ceux qui ne sont pas physiciens. Mais en gros, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est très important de comprendre, de bien comprendre ça, cette structure de corps noir. Donc ça veut dire que la matière a réussi à suffisamment interagir pour homogénéiser toute sa température. C'est ce qu'on appelle l'isotropie. Donc ça veut dire que quand je vais regarder dans une direction ou dans une autre, je vais voir la même température. Cette isotropie autour de nous, le fait que toutes les directions se valent à une certaine précision, puisque on y reviendra. Voilà, ça prouve que l'univers au départ était énormément homogène, très très homogène. On n'avait pas des bulles avec des endroits très denses, des endroits sous-denses, et ça c'était un constat, donc on reproduit les conditions dans l'univers primordial, et ça va être à expliquer, parce que c'est tout à fait non naturel. Alors, là, il y a un problème d'horizon, là. Voilà. Il y a un problème d'horizon. Qu'est-ce que c'est que ce problème d'horizon, et pourquoi cette isotropie de l'univers? Et puis aussi, autre question, Françoise Combes, pourquoi 380 000 ans? Pourquoi cette frontière-là? Alors, 380 000 ans, c'est parce après que... Après le Big Bang. Voilà. Dans le Big Bang, la matière est ionisée, très chaude, ionisée, électrons, protons. Et lorsque l'univers se refroidit, la température va passer par 3000 degrés à un moment donné. 3000 degrés, ça correspond à peu près à 380 000 ans après le Big Bang. Alors que se passe-t-il? Eh bien, la matière se recombine, on fait des atomes d'hydrogène. Et donc, il y a un découplage entre les photons, qui ont beaucoup de couplage avec les particules chargées. Mais ensuite, lorsque les particules sont neutres, il y a beaucoup moins de couplage. Et donc, ça se découple à ce moment-là. Et... les photons partent d'un côté et la matière H1 de l'autre. On appelle ça, ensuite, il y a une époque qu'on appelle âge sombre, parce qu'il n'y a pas de premières étoiles qui auraient pu éclairer l'univers. Et puis, peu à peu, il faut attendre 1 milliard d'années pour que les premières étoiles vont arriver, parce que le gaz, il est neutre, donc il va pouvoir s'effondrer sur lui-même, il est plus soutenu par les photons, il va former des premières galaxies, des premières étoiles. Les étoiles vont envoyer de rayonnement UV, ils vont rayoniser l'univers, donc c'est à peu près 1 milliard d'années, il y a une rayonisation de tout l'univers. On dirait parce qu'elle était ionisée avant, et qu'elle redevient ionisée 1 milliard d'années après. Alors c'est 380 000 ans, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est l'explication de ce fond diffus cosmologique qui est vraiment, enfin, j'aimerais que les auditeurs mesurent l'importance de cette observation vraiment dans la structure et dans ces modèles du Big Bang, parce que d'un seul coup, non seulement il vient de confirmer les modèles précédents, mais en plus il va permettre pour la première fois de dater, en tout cas avec précision, Jean-Philippe Puzan. Alors dater indirectement. Parce qu'on mesure pas que c'est 380 000 ans, comme tu le disais très tout bien. Suite, non, c'est à une certaine énergie, à une certaine température. Et donc il va falloir faire la relation entre le moment où l'univers, le rayonnement dans l'univers avait cette température-là. Et ça demande de connaître d'autres choses, c'est-à-dire d'avoir la loi d'expansion de l'univers. Mm-hmm. Et donc, en fait, ce n'est pas un âge qui est mesuré, c'est un âge qui est calculé dans le cadre du modèle. Donc, si vous changez le modèle, vous ne pouvez pas utiliser 380 000 ans. Vous devez le recalculer à partir des observations primaires pour l'expansion. C'est justement ce qu'on va mesurer aujourd'hui, parce qu'on sait que l'expansion, elle va être réaccélérée à un moment donné. Elle n'est pas constante. Et donc, on aimerait connaître la loi, là, justement, là, le rayon de l'univers, R, en fonction du temps. Et c'est ce R qu'on cherche à trouver. Mais il faut bien dire aussi qu'on a un décalage vers le rouge. Ce décalage vers le rouge, c'est la taille de la longueur d'onde du photon qui est émis et qui est proportionnelle à cette taille caractéristique. Voilà, donc finalement, la température correspond à la taille de l'univers. Ça, on a une relation très très simple et on n'a pas besoin de grandes théories pour le savoir. Oui, tout à fait. C'est bon. Tout à fait. Quelques notes de cette composition de Matthew H. Field, Space Science Hubble Space Telescope Views. Puisque nous parlons indirectement de Edwin Hubble, nous parlons en tout cas du Big Bang tout au long de cette heure. Vaste programme, nous avions pour ambition de raconter l'histoire de l'univers en une heure. Nous avons à peine fait les 20 premières minutes. Bref, donc on va essayer quand même de tenir ce programme ambitieux qui était le nôtre avec deux invités de choix pour raconter cette histoire, Jean-Philippe Puzan et Françoise Combes, auteurs tous deux de livres sur le Big Bang, la Que sais-je pour Françoise Combes, Big Bang, comprendre l'univers depuis ici maintenant chez Flammarion pour Jean-Philippe Puzan. On s'était arrêté au fond diffus cosmologique. Effectivement, on ne peut pas parler du fond diffus cosmologique sans parler, Françoise Combes, de la théorie expansionniste qui est strictement liée à cela, c'est-à-dire à l'idée que, effectivement, comme vous le disiez, le décalage vers le rouge, tout nous indique maintenant que l'univers est en expansion, que cette expansion, elle n'est pas constante, qu'elle se réaccélère en ce moment d'ailleurs de manière très très contre-intuitive, puisqu'on pourrait imaginer que la gravitation étant la force principale à l'œuvre, eh bien l'univers allait au moins ralentir et puis peut-être même régresser, pourquoi pas revenir à son état initial. Mais ça on l'a découvert en 1998, donc c'est un temps très proche, et on a eu des traceurs de distance qui soient indépendants de l'expansion, parce que normalement jusque-là on prenait l'expansion comme traceur de distance. Et donc les supernovae sont des chandelles standards. C'est des supernovae d'un certain type qui sont des binaires d'une naine blanche avec le voisin qui fait tomber du gaz dessus. Et donc lorsque le gaz tombe dessus, il y a une explosion. Et cette explosion, elle est universelle dans un certain sens. Pourquoi elle est universelle? C'est que c'est toujours la radioactivité de certains éléments comme le nickel, le cobalt, etc. Et donc on a toujours à peu près la même courbe de lumière. On peut donc relier la luminosité intrinsèque de cette supernova à cette période, cette courbe de lumière. Donc avec ça, on a pu aller très loin. Et les éléments comme le Hubble Space Telescope, tous les instruments comme ça, ont permis de remonter le temps et de s'apercevoir qu'à peu près il y a 5 milliards d'années d'aujourd'hui, l'expansion qui normalement était décélérée, elle se met à être réaccélérée. Et ça, c'est très important. Et donc, on a été obligé d'inventer un composant qui est répulsif, non pas comme la gravité, qui est la matière qui est attractive. Là, on a quelque chose de répulsif, donc c'est l'énergie noire, qui peut ressembler aussi à une constante cosmologique, qu'Einstein avait trouvé que c'était la plus grande erreur de sa vie, qu'il voulait prendre égal à zéro. Et d'après Einstein, on a pris égal à zéro jusqu'en 1998. C'était tabou, en fait, de prendre autre chose. Et en fait, encore une fois, le maître avait dit, mais non, il faut surtout pas l'enlever, cette constante cosmologique, parce qu'on va en avoir besoin. Il avait raison, maintenant, on s'en sert de cette constante. On sait qu'elle vaut 70% du contenu de l'univers. Donc là, encore une fois, Einstein s'est trompé une deuxième fois. Si on peut dire. Jean-Philippe Puzan, il faut qu'on remonte un peu à marche forcée. On est en 98, donc je saute sur l'occasion pour faire des bonds de géant. Mais ce qui est important, c'est que j'aimerais qu'on arrive, qu'on remonte vraiment au-delà de ce fond diffus cosmologique. J'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui ce que proposent les modèles, puisqu'on commence à passer au pluriel, et notamment sur les origines, ou en tout cas sur les tout premiers instants. Et j'aimerais qu'on parle de ce dont parlait tout à l'heure Françoise Combes, elle, plus rapidement que moi encore, à savoir la théorie de l'inflation. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on se dit qu'il y a eu quelque chose au tout début, c'est-à-dire vraiment très rapidement, une augmentation très forte, un déploiement d'énergie immense qui a conduit, dans des tout premiers instants, à passer d'un point très très très petit à un point immensément grand? Alors la difficulté, c'est que c'est pas une histoire linéaire. C'est-à-dire, comme souvent, ça commence par du bidouillage. Donc les gens avaient ces modèles-là, ils remontaient, ils arrivaient à avoir une idée de l'état dans l'univers le plus primordial. Et en fait, ce qu'ils se rendaient compte, c'est que l'univers devait être très homogène, très isotrope. Et ça, c'est le fond diffus cosmologique qui nous apprend ça. Et puis, et on se rend compte, si on prend un point deux points diamétralement opposés du ciel et qu'on regarde la température, disons vers le nord et vers le sud, et on mesure leur température à un cent millième près, c'est la même température. Or dans ce modèle-là, ces deux points n'ont pas pu être en contact causal. Il n'y a pas pu avoir d'interaction entre ces deux points-là. Donc la question qui se pose, c'est bizarre. Les conditions dans l'univers étaient telles que des points qui sont tellement éloignés qu'ils n'ont pas pu interagir entre eux, ils n'ont pas pu homogénéiser leur température ou leur densité. Comment se fait-il que nous les observons à la même température? Donc ça, c'était quelque chose, une sorte de surprise. On voit ça. La nature nous dit c'est comme ça. Et donc, il fallait l'expliquer. Donc si vous dites c'est une condition initiale qui est très très particulière, Et donc, vous avez toujours le choix de dire les conditions initiales sont comme ça, bon, très bien, on s'arrête là. Ou alors de se dire c'est le résultat d'un mécanisme et j'espère que ce mécanisme-là va me permettre de partir de conditions initiales beaucoup plus génériques, beaucoup plus vastes et m'attirer vers cet état particulier. Donc, c'est un petit peu ça l'idée qu'il y avait derrière. Alors, ça a commencé de façon un peu sporadique dans les années 80, tout à fait. D'abord avec un peu de se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, il y a Alan Gutt dans un de ses articles qui s'est rendu compte que si pendant une phase très très courte, on a vu une expansion exponentielle qui durait suffisamment longtemps, qui donne un ordre de grandeur, alors tous les points que l'on observe dans le ciel ont pu être en contact causal. Il se dit, bah voilà, ça c'est possible. Mais c'est un peu une sorte de quasiment de biais rétroactif à ce moment-là. C'est de se dire, oui, c'est presque l'une des seules solutions pour que ce qu'on voit puisse exister. Voilà. Il n'a pas de modèle physique derrière. C'est souvent ce que je dis à mes étudiants, c'est reverse engineering, comment on dit en français. C'est de l'ingénierie à l'envers. Voilà, on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? On fait le truc la plus simple, il n'y a pas de théorie. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ça de façon dynamique avec un mécanisme. Donc on a introduit un type de matière qu'on appelle les champs scalaires. On s'est rendu compte que dans certaines conditions, ces champs scalaires, ils pouvaient avoir une propriété complètement contre-intuitive par rapport à la matière, c'est de faire que l'expansion de l'univers devenait accélérée, parce que en relativité générale, la source du champ de gravitation, c'est pas simplement la densité de matière, c'est la somme de la densité et trois fois la pression de la matière. Donc si la pression est négative, ça peut changer le signe. Donc dans ce cadre-là, la gravitation devient répulsive, ce qui est assez contre-intuitif, puisqu'on nous apprend à l'école que c'est une force attractive. Mais dans ces conditions-là, c'est tout à fait possible. Et puis ensuite, il y a eu un basculement assez extraordinaire, et c'est en particulier Slava Mukhanov, à peu près à la même époque, qui réalise quelque chose d'assez étonnant, c'est que ce champ scalaire, s'il est là, s'il y a cette dynamique, on a des énergies telles qu'on ne peut pas négliger la mécanique quantique. Il doit avoir des fluctuations quantiques, et ils se disent, qu'est-ce que ça fait, ces fluctuations quantiques? Et ils se rendent compte que à la fin de la phase d'inflation, certes l'univers va être très homogène, mais il va y avoir des petites fluctuations de densité et ils sont capables de relier les caractéristiques de ces fluctuations de densité à l'état quantique initial de votre système. Donc ils vont se dire, c'est quoi l'état le plus naturel? Ils n'en ont aucune idée. Ils vont se dire, c'est l'état de plus basse énergie, ce qu'on appelle le vide. D'accord, le vide, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est l'état de plus basse énergie d'un système physique. Et ils partent de ces propriétés-là et ils se trouvent un spectre de fluctuations de densité qui, on sait être aujourd'hui, être en accord avec ce qu'on observe pour le satellite Planck. Donc, quelque part, c'est assez extraordinaire parce qu'on part d'un bidouillage, on fait un modèle physique et après, on arrive à rajouter la mécanique quantique et là, on fait une prédiction. Et c'est pour ça que la communauté a un peu basculé en disant c'est l'explication la plus naturelle pour résoudre ces problèmes d'horizon. Il n'y a pas que le problème d'horizon, il y a aussi le problème de la courbure de l'univers. En fait, on s'est aperçu que l'univers était plat et c'est justement le fond cosmologique qui nous a permis de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine onde acoustique des photons et des baryons qui étaient en équilibre au départ lorsqu'ils étaient ionisés. Et c'est que ça joue le rôle d'une règle standard. Ouais. Et finalement, cette règle, on la regarde sous un certain angle et on s'aperçoit que l'angle fait que les rayons lumineux vont en ligne droite. Donc, l'univers n'a pas de courbure. Alors ça c'est vraiment un problème aussi parce que quand on regarde les équations d'Einstein, on voit que si la courbure a un tout petit epsilon différent de non pas de courbure au départ, ben ça va croître de des façon exponentielle. Voilà. Donc on ne devrait pas avoir quelque chose très très proche d'un univers plat aujourd'hui. Alors quand on regarde l'inflation, évidemment si on prend une petite boule et qu'on l'augmente d'un facteur 10 puissance 30, enfin 30 ordres de grandeur, ben on est comme dans le plan tangent et donc toute sphère ressemble à quelque chose de plat. Donc on a résolu aussi le problème de courbure. Voilà, c'est ça. Et on a un auditeur attentif qui nous dit que le mot que nous cherchions c'est rétro-ingénierie. Oh, rétro-ingénierie, je vais le noter, merci. Monsieur. Merci à lui. Pour revenir sur cette notion d'inflation, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, puisque le modèle maintenant est proposé et relativement admis comme étant le modèle le plus probable, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne vers l'observation, on cherche des preuves observationnelles de cette phase très brusque des tout premiers instants de l'univers, hein, puisqu'on est juste après le temps de Planck, hein, on est entre 10-43 et 10-32 secondes après la singularité initiale. Eh bien, c'est ce qui se passe au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris-Diderot. Vous êtes rendu, Tom Hindensock, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. J'ai rencontré Jean-Christophe Hamilton et son collègue Steve Torchinski dans le hall de montage du laboratoire Astroparticules et Cosmologie. On y trouve l'instrument Cubic, une première technologique qui est en cours d'intégration et de test. C'est un moment clé pour l'appareil qui doit sonder le fond diffus cosmologique, frontière visible de l'univers primitif et trouver la trace de son expansion à ses tout premiers moments. Si on parvient à la déceler, ce sera l'indice que le cosmos a connu une phase d'inflation phénoménale qui explique sa structure actuelle. À la fin de l'année, Cubic sera envoyé dans les hauteurs en Argentine pour sonder l'espace à l'abri de tout bruit environnant. Donc là, on est à côté de l'instrument cubique, qui est donc le premier interféromètre bolométrique pour l'observation de la polarisation du fond diffus cosmologique. C'est un rayonnement qui a été émis quand l'univers était âgé d'à peu près 380 000 ans, donc dans la prime enfance de l'univers. Mais là, on va chercher à mesurer un type spécifique de polarisation qu'on appelle les modes B, dont on attend qu'il soit présent s'il y a eu dans la toute prime enfance de l'univers encore plus tôt une phase qu'on appelle l'inflation, que les théoriciens ont imaginée pour résoudre certains problèmes du modèle du Big Bang classique, et qui s'avère être une manière extrêmement efficace de produire les premières fluctuations primordiales, donc les fluctuations initiales de la densité de matière dans l'univers, qui vont après donner lieu à la formation des grandes structures de l'univers qu'on observe autour de nous, comme les galaxies, les amas de galaxies, etc. En fait, le fait de mesurer cette polarisation en mode B, c'est l'indice que dans ses tout premiers moments, l'univers a enflé, gonflé d'une manière si rapide que la forme qu'on lui trouve aujourd'hui est celle qu'elle est aujourd'hui. C'est ça, absolument. L'inflation a été imaginée justement comme un mécanisme qui permet de donner à l'univers de manière systématique, en quelque sorte, la forme qu'il a aujourd'hui et d'avoir la distribution de matière qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que pour l'heure, cubique, s'il fonctionne, nous permettra d'aller aussi loin que la technologie nous permet d'aller dans le passé pour mieux comprendre ce qu'a engendré le Big Bang et ce que veut dire le Big Bang. C'est ça, en quelque sorte, on va pouvoir remonter faire des observations qui vont remonter jusqu'à une date qui est bien antérieure à ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. On a aujourd'hui des mesures qu'on appelle notamment les mesures liées à la nucléosynthèse primordiale qui nous permettent de mesurer assez précisément ce qui s'est passé quelques minutes après le Big Bang. Mais là, on pourrait remonter en arrière de manière absolument considérable et se rapprocher encore du Big Bang et comprendre potentiellement des choses extrêmement fondamentales comme justement comment cette inflation a eu lieu, en quoi elle peut être reliée à différentes observables qu'on a autour de nous, et ça nous permettrait de renforcer considérablement notre compréhension de la cosmologie et potentiellement de la révolutionner si on voit des choses qui sont un petit peu inattendues. Alors ce qu'on entend là, c'est les compresseurs et les réfrigérateurs qui nous permettent de refroidir notre instrument à très basse température, à moins 200 degrés, quelques 270 degrés, afin d'avoir des détecteurs qui soient suffisamment sensibles pour détecter le rayonnement qu'on cherche à observer. À quoi est-ce qu'il ressemble exactement cet instrument ? Est-ce que vous pouvez le décrire ? Donc il a la forme d'un tube qui fait à peu près 1,60 m de haut pour 1,50 m de diamètre. Il est monté sur une monture qui nous permet de l'orienter pour observer dans différentes directions. Et en haut, il y a une fenêtre à travers laquelle le rayonnement passe pour s'acheminer jusqu'à nos détecteurs. D'accord, donc ce qu'on voit, l'enveloppe extérieure de l'instrument, c'est le cryostat ? Alors en fait, un cryostat, c'est un petit peu comme des poupées russes. C'est une série d'enveloppes emboîtées les unes dans les autres. Alors celle qu'on voit là, c'est l'enveloppe extérieure du cryostat qui est à température ambiante. Et à l'intérieur, on fait le vide, il n'y a plus du tout d'air. Et il y a des enveloppes successives à des températures de plus en plus basses pour finir par atteindre moins 273 degrés qui est la température à laquelle sont nos détecteurs. Alors dans le cryostat, il y a toute une gamme de composants dont des miroirs et des filtres, et ce qu'on va regarder actuellement, ce serait les cornets. Il y a 64 cornets. Et on peut les fermer une par une ou jusqu'à deux à la fois. Ici, je vais fermer un cornet. Si on regarde l'écran en même temps, ça nous montre que le cornet est bien fermé. Là, on voit 4 millisecondes qui sont passées. Et dans le temps de 4 millisecondes, il y a cette fermeture de l'écran. Et est-ce que c'est une opération que vous referez quand l'instrument sera vraiment en pratique ? On va le faire dans une campagne d'étalonnage. On va passer une journée ou beaucoup de temps, de temps en temps, en mesurant la source de calibration qui se trouve sur le mur actuellement et en fermant les différents cornets. Et c'est une campagne de test qui va durer des heures ou des jours. Et puis après, on a l'étalonnage qu'il nous faut. Ensuite, on va mesurer le ciel directement sans avoir allumé la source d'étalonnage, ni les cornets fermés. Tous les cornets seront ouverts. Le but de l'étalonnage, c'est d'avoir une idée de à quoi ressemblera le signal et aussi avoir une idée de ce que pourra être le bruit pour ensuite le retirer au moment des mesures finales. En gros, avec cet étalonnage, il s'agit de mesurer la configuration réelle de l'instrument dans son imperfection qui est liée aux imprécisions de fabrication des différents composants. Donc aucun instrument n'est vraiment parfait, ils ont tous des effets systématiques. Et grâce à cet étalonnage et avec cette fermeture et ouverture des différents cornets, on peut comprendre exactement quelle est la configuration réelle de notre instrument. Donc mesurer ses propres effets systématiques. Il sera envoyé où cet instrument après ? Quel est son avenir proche ? À court terme, on va terminer les tests. On va avoir une série de revues qui vont valider les résultats de ces tests. Et puis, une fois que tout ça sera validé, l'instrument sera installé en Argentine, dans le nord-ouest de l'Argentine, dans la province de Salta, sur un observatoire qui est en train d'être construit par nos collaborateurs argentins, à 5000 mètres d'altitude, à partir de la fin de l'année 2019, typiquement. Pour une campagne d'observation qui durera plusieurs années, pendant laquelle on va acquérir ces données, accumuler les données et les analyser pour produire des cartes. Voilà le reportage du jour sur cet instrument cubique qui cherche donc à confirmer par l'observation cette théorie inflationniste. Une réaction l'un et l'autre en quelques mots, ce que vous venez d'entendre, François? Oui, en fait, on a déjà essayé de les trouver, ces modes B, dont ils ont écrit là, par Planck, et même une petite manip au sol qui s'appelait Bicep 2, qui a tout d'un coup dit « Ah, nous les avons détectés ». En fait, c'est très difficile parce que la poussière polarise aussi le rayonnement. Donc, ils ont évidemment cherché d'observer dans des fenêtres où il n'y avait pas de poussière. Mais en fait, dans la Voie lactée, il y a de la poussière partout, même un tout petit résidu. Ça a faussé leurs mesures, donc finalement, ils ont retiré leur découverte. Ouais. Et on va peut-être pouvoir utiliser d'autres techniques, c'est-à-dire, par exemple, les pulsars. Les pulsars font un réseau de pulsars qui peuvent détecter les ondes gravitationnelles, qui ont une base qui est beaucoup plus grande que LIGO-Virgo, que vous avez mentionné tout à l'heure. Là, on pourra avoir des années-lumière de base, et non pas 4 km. Et donc, on aura les ondes gravitationnelles primordiales. Donc avec des réseaux de pulsars, peut-être on pourra... Et là, ce sera indépendant de la poussière. Donc par rapport à Cubic et Planck, on a une autre méthode. C'est bien d'avoir deux méthodes pour vérifier. Oui, tout à fait. Jean-Philippe Buzan, oui. Et donc là, ce qui est intéressant, comme on finit un petit peu, voir par rapport à la logique, c'est-à-dire que on s'est convaincu que ces modèles d'inflation permettaient de reproduire les propriétés du fond diffus cosmologique en termes de fluctuations de densité. Et puis on a cette nouvelle signature qui est associée, elle n'est pas la même dans tous les modèles. Donc si on trouve quelque chose, ça va pointer vers certains types de modèles. Si on ne trouve rien, ça va continuer à exclure certains modèles d'inflation. Et si on en exclut trop, parce que Planck a déjà exclu un certain nombre de scénarios de modèles d'inflation. Donc, c'est l'explication la plus probable parce que nous, on n'a pas d'explication alternative. Il y avait dans les années 2000, tous les défauts topologiques, tout ça, qui essayaient d'être des compétiteurs de ces modèles-là qui sont tous morts. Et donc, là, pour l'instant, c'est juste que c'est le mieux, ça marche. Il y a une certaine cohérence mathématique de toute l'architecture. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça fait des nouvelles prédictions. Et c'est ça qui est important. À chaque fois que vous faites un modèle, c'est d'avoir des nouvelles prédictions parce que éventuellement vous allez les trouver ou les contraindre. Et donc, on va pouvoir dire des choses sur ces modèles. Et si on en tue un certain nombre, la question va se poser de nouveau. Une question de naturalité de cette explication. Modèle. En fait, il y a des modèles cycliques. Par exemple, Paul Reinhardt a proposé l'inflation, il ne l'aime pas du tout. Donc, il y a encore des modèles marginaux. Oui, il y a des modèles marginaux. Des modèles de rebond. Voilà. Et les gens viennent avec leur modèle. Ce qui est important de dire pour nos auditeurs, c'est que si vous voulez faire votre modèle, ce qui est important, c'est que, un, vous expliquiez déjà avec ce modèle toutes les observations qui existent et qui sont expliquées dans le cadre standard, et que vous arriviez à nous donner une nouvelle observation qui éventuellement permettra de distinguer par rapport à l'autre modèle. Donc, voilà la base. La bonne nouvelle, c'est que vous allez revenir pour continuer cette discussion. Et puis alors moi, faire un interféromètre à ondes gravitationnelles primordiales avec des pulsars, il va falloir que vous m'expliquiez comment ça marche parce que ça me passionne. Mais là, on n'a pas le temps du tout maintenant. Mais il faudra revenir. Et tiens, mais j'en profite pour dire, François Lascombe, que vous serez ici. Venez donc pour poursuivre cette conversation puisque tout week-end, c'est le festival Imagine France Culture au Centre Pompidou à Paris. Et bien, samedi après-midi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h. Et puis, tout au long de la journée, il y a plein de masterclass, de marathons de radio. Et François Lascombe bien. Nous serons ensemble à nouveau dimanche entre 16h et 18h pour parler des dernières nouvelles de l'espace. Et puis on peut, peut-être qu'on parlera de ces pulsars à détection d'ondes gravitationnelles ou peut-être d'autres choses. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous parler du Big Bang. C'était passionnant. Le Big Bang, le Que sais-je, signé Françoise Combes. Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant chez Flammarion. Par Jean-Philippe Usan, merci beaucoup. C'est chez Flammarion. Merci. Donc oui, merci beaucoup à tous les deux d'être venus passer cette heure en notre compagnie. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'est Olivier Bétard à la réalisation, Louis Bardine à la technique. Demain, nous nous intéresserons à un projet européen de métagénomique, le projet Virus X, qui a pour objectif de dresser une cartographie génétique de nombreux virus méconnus. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.